Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Danser en couple, mais quel scandale! Fini le menuet, le rigodon. Désormais, la jeunesse se met à valser. En 1804, le docteur Marie de Saint-Ursin fait paraître L'ami des femmes ou Lettre d'un médecin, ouvrage dédié à Joséphine Bonaparte, en passe d'être impératrice des Français. Une de ses lettres est consacrée à la valse, que Saint-Ursin écrit avec un W, valse, peut-être pour souligner son origine germanique. Il écrit: on a relégué l'antique menuet et la ronde naïve, remplacée par la savante contredanse. Et voici la valse impérieuse. Un bras nerveux enlace la taille souple et légère de la jeune épousée. Le lierre ne s'attache pas de plus près à l'ormeau. Oui, la valse nous accroche, alors vite, vite partons sur la piste de danse. Les valseurs, les valseuses nous attendent. Elisabeth Claire, bonjour. Bonjour. Nous parlons de danse, nous parlons de scandale. Nous avons peine à imaginer combien ces danses, et notamment la valse, ont pu faire scandale. C'était une véritable préoccupation. Oui, en fait, je vous remercie de cette citation du médecin Saint-Ursin. C'est vrai que son texte nous donne vraiment un appui très important pour comprendre la nature de ce scandale, parce que la valse allemande, lorsqu'elle arrive en France, crée effectivement beaucoup de réactions, et notamment, comme vous avez cité, dans la communauté des médecins. Et notamment autour de cette question des femmes qui choisissent de valser. Les femmes qui choisissent de valser avec une origine, je l'évoquais, avec ce W que Saint-Ursin utilise. Alors, j'émets l'hypothèse que c'est pour souligner peut-être une origine allemande. D'où vient la valse ? Effectivement, la valse, à l'origine, vient des pays germanophones. Et c'est par sa nature une mélange et une continuation de certaines pratiques populaires, comme le dreyer, le landler. Et avec ces mélodies, en fait, qui se sont transmises dans les pays plus proches de la France et puis éventuellement en France, on commence à prendre goût pour ce trois temps. Et on peut observer que cette danse est très novateur, notamment pour la haute société, et arrive à un moment très particulier au niveau des changements politiques, parce que c'est aux alentours de dernières décennies du XVIIIe siècle, et donc correspond à une période de changement radical suivant la Révolution en France. Oui, là, vous nous conduisez au XVIIIe siècle, et c'est important de souligner le contexte politique du moment, le contexte d'évolution des mentalités aussi, avec cette danse qui fait scandale, Elisabeth Claire, vous nous l'avez dit, pour les médecins. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette valse ? Il y a certaines choses qui sont très différentes vis-à-vis des danses nobles qui précèdent la valse, et notamment le fait qu'il s'agit d'une prise fermée. En fait, le couple se renferme. L'homme et la femme vont se prendre dans les bras. Il y aura une prise qu'on appelle la prise fermée. Et en fait, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Il y a la question du toucher, de la transpiration. Et puis, notamment lorsqu'il s'agit de la question des femmes, les médecins identifient un problème lié à l'échauffement de l'imagination. Donc, je pourrais en dire plus si ça vous intéresse, vous me direz. Mais l'imagination est la question du vertige, parce qu'il y a ce pivot de la danse. Elisabeth Claire. Cela nous intéresse. Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, membre fondateur de l'atelier d'histoire culturelle de la danse et membre associé au centre de recherche sur les arts et le langage, avec vraiment quelque chose qui touche au corps dans ce que vous nous dites. Nous sommes sur de l'histoire du corps. Il y a ce toucher, il y a cette transpiration. Dans la condamnation de la valse en rapport avec le corps, là nous sommes vraiment sous un regard médical. Qu'est-ce qui pose problème vraiment pour les médecins, avec ce toucher, cette transpiration? Alors, au courant du XVIIIe siècle, dans l'évolution des principes qui vont être récupérés par les médecins en France, on a un texte qui semble être extrêmement important. Et même si ça peut sembler un peu à part, on parle évidemment des danses de couple, donc de la sensualité, éventuellement de la sexualité, du moment de l'adolescence qui va vers le mariage ou l'état adulte. Et en fait, ce problème de l'échauffement de l'imagination relie dans la pensée médicale cette danse à d'autres maladies de l'imagination, par exemple, qui sont dans ce texte de Tissot, Samuel Tissot, sur l'onanisme. Il a aussi un autre texte qui parle de novellisme, en fait, la lecture du roman ou de la fiction. Donc, en fait, on s'inquiète énormément de la question de l'imagination et ce qu'on peut avoir comme expérience lorsque cette imagination est animée, échauffée. Eh bien, justement, pardon. On craint. Allez-y, Elisabeth Claire. Non, j'allais dire que cet échauffement de l'imagination crée du vertige. Mais pour les médecins, le vertige n'est pas juste un symptôme d'une expérience de pivot, mais c'est une maladie, c'est une vraie pathologie, et qui peut conduire à d'autres maladies plus graves. D'où le danger de la valse, et c'est l'occasion pour nous de nous rendre à un des bals les plus célèbres de la littérature. Nous nous trouvons en 1857 avec Madame Bovary. On m'appelle le Vicomte. Et vous ? Quel est votre nom ? Madame Bovary. Eh bien, madame, j'espère que vous m'accorderez une valse tout à l'heure. Je ne sais pas valser, monsieur le vicomte. Venez, madame, je vous guiderai. Mais je... Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient. Tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'érifflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent. Et d'un mouvement plus rapide, le vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber et, un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Madame Bovary, un petit malaise. Nous sommes en 1857 avec Madame Bovary. Nous sommes aussi dans un feuilleton de France Culture, l'occasion d'ailleurs d'évoquer tous les programmes sur France Culture autour de Gustave Flaubert et notamment de Madame Bovary. C'est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Elisabeth Claire, Madame Bovary, est prise de vertige au moment de la valse. Il y a énormément d'imaginaire. Il faut souligner combien le contraste est fort entre la danse en couple, cette danse fermée, et puis ce qui était proposé, ces danses où il y avait une chorégraphie de groupe, où le toucher en fait était un épiphénomène de la danse. Oui, en fait, l'une des choses qui naît avec la valse et ce pivot avec le couple et dans la prise fermée, c'est justement une improvisation dans l'espace du bal. Parce qu'on n'aura plus à suivre toutes ces figures qui, auparavant, faisaient la chorégraphie, donc les danses écrites où il y a des figures à mémoriser et à dessiner sur le sol. Le fait que ces danses soient un peu improvisé. C'est vrai que le valseur, la valseuse vont un peu partout. Ils peuvent d'ailleurs chambouler complètement l'ordre de la danse, pose un véritable problème sur la place même de la femme au cœur de cette danse. Oui, en fait, j'ai une hypothèse, mais c'est extrêmement difficile d'avoir en fait des sources qui nous parlent spécifiquement de qu'est-ce qui se passe dans la danse. Mais mon hypothèse, c'est que cette première resurgence de la valse qui prédate en fait toutes les sources techniques et normatives qui peut être par exemple les traités des maîtres de danse sur la valse. Je pose la question s'il n'y a pas une phase un peu improvisée justement pour trouver le fonctionnement de cette prise fermée et dans ce moment un petit flottement entre qui guide, qui suit, parce qu'en fait les pas sont les mêmes pour la femme et l'homme. Aïe, dès lors la femme pourrait guider. Ça pose un véritable problème dans une société qui est perclue de morale genrée. En fait, ce qu'on observe par exemple dans l'iconographie satirique, souvent on a des figures de femmes très corpulentes, voire vêtues dans des vêtements révolutionnaires français, et un petit homme de gabarit minuscule qui n'arrive pas tout à fait à saisir sa femme. On a aussi beaucoup de contrastes entre des corps qui ne vont pas bien ensemble, qui ne sont pas élégants comme couple. Donc on comprend qu'il y a eu un questionnement dans la société vis-à-vis de ce que révèle cette danse et la nature du couple. La nature même du couple, parce qu'il y a quelque chose qui oppose la chorégraphie, une danse qui serait à l'image d'une société extrêmement bien organisée, et puis la valse qui est un peu chaotique, qui pose problème, et puis l'intime face au social, c'est une danse qui nous fait rêver, cette valse, et qui nous conduit évidemment à Vienne. Des centaines de lampes illuminent le jardin. Toutes les salles sont ouvertes. C'est Strauss qui dirige l'orchestre. Et tous ceux qui ont un cœur bien vivant traversent le pont Saint-Ferdinand pour l'entendre. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la haute volée, c'est même un public très mélangé. Les éléments qui composent le cadre de ce bal constituent un spectacle de choix. Sous les arbres, au feuillage éclairé et les arcades largement ouvertes, on mange et l'on boit, on bavarde, on rit, on écoute. C'est que tout au centre se trouve l'orchestre qui joue les nouvelles valses. Ces airs qui, tels des piqûres de tarentules, passent directement dans le sang. Dans la foule bigarrée, les filles rieuses et provocantes s'amusent à bousculer les garçons. Pour maintenir le public dans des limites raisonnables, des employés tendent une corde destinée à séparer le centre de la salle des danseurs qui vont évoluer en cercle. Séparation incertaine et élastique, c'est seulement par le tournoiement régulier des têtes que l'on distingue le courant des danseurs. Lancés dans la bacchanale, les couples emportent dans leur ruée frénétique tous les obstacles que le hasard a pu placer sur leur chemin. Rien ne peut les arrêter, même pas la chaleur mouvante dont les lourdes vagues semblent descendre du haut de l'estrade. La valse à Vienne, la valse de Strauss, telle qu'elle était présentée en 1962 à la radio-télévision française. Elisabeth Claire, effectivement, l'histoire de la valse est une histoire européenne. Il n'y a pas d'histoire nationale ici. Pourtant, il y a toujours des points de comparaison à effectuer. Quelle lecture faites-vous de cette histoire européenne de la valse ? Ce qu'on peut observer, c'est que quand cette valse arrive dans différents pays, même de l'Europe, ou par exemple dans les colonies, la réception n'est pas toujours pareille. Par exemple, en France, on le reçoit comme une danse allemande, mais parce que Napoléon fait la promotion de cette danse, il a même, par exemple, pour la fête du 14 juillet en 1801, construit une énorme salle de valse pour le peuple, pour essayer de faire danser le peuple. Dans les journaux, on estime que finalement les gens ont marché et écouté la musique, mais on n'a pas osé valser. Parce que Napoléon avait fait la promotion de cette danse, lorsque cette danse arrive par exemple en Angleterre, il y a une énorme résistance parce qu'on identifie cette danse comme étant une danse d'influence française, voire révolutionnaire, et donc extrêmement dangereuse pour les femmes anglaises. Donc on a une réception qui est finalement assez nationaliste, dans le cadre de l'Europe. Et puis, on a une réception de cette danse qui va partout dans le monde. Il y a même, par exemple, les danses malgaches traditionnelles qui vont reprendre la valse et l'incorporer. C'est drôlement intéressant ça, de voir qu'il y a cette diffusion avec, malgré tout, au-delà du succès international de la valse, des spécificités régionales. Et justement, dans tous ces éléments de condamnation de cette danse qui fait scandale, il y a un acteur que nous n'avons pas encore évoqué, qui est l'Église. Que dit l'Église de cette danse ? C'est une excellente question. Il y a peut-être plus de documentation que Sophie va pouvoir évoquer pour la question du tango. Pour mon cas, parce que j'étudie cette période qui suit juste après la Révolution, je n'ai pas vraiment puisé dans les documents et des sources religieuses pour ma période. Je me suis concentrée vraiment sur cette communauté médicale parce que je m'intéressais à la question de leur interprétation de la jouissance féminine et cette opposition que font les médecins de l'État entre les jouissances mensongères de la valse et les plaisirs soi-disant naturels de la maternité qui étaient supposés être vraiment la place de la femme et la citoyenne féminine. Sophie, que vous évoquez, et Sophie Jacotot qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse, historienne de la danse, et avec vous, nous allons tanguer. C'est ce que nous a dit Elisabeth Claire. Non, mais c'est vrai que sur le regard que vous portez sur le tango, il y a des réflexions qui valent pour l'ensemble de ces danses qui font scandale, ce qui a été dit pour la valse déjà, et sur cet aspect religieux, la lecture de l'Église, de l'institution en tout cas, sur le tango. Quel est le discours qui se construit ? Alors, au moment de l'arrivée du tango en France, dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, on a effectivement une réaction assez vive de la part du clergé. C'est Esteban Bourg notamment qui a étudié ça. Plusieurs évêques dans différentes provinces françaises vont écrire des textes mentionnant directement ou non le tango. Parfois on parle de danse inconvenante pour ne pas le nommer, mais c'est bien du tango qu'il s'agit. Pour dénoncer donc l'inconvenance de cette danse qui ne devrait pas, aux yeux des prélats, être dansée par de bons chrétiens. Oui, parce que ça ne se fait pas, il faut bien se tenir. Non, le tango, effectivement, est une danse condamnable. Buenos Aires, chacun sait cela, est une superbe cité, presque entièrement neuve, dont les Argentins sont justement fiers. Mais sa prospérité inouïe est relativement récente et il reste encore, dernier vestige de la ville primitive, un faubourg immonde qui porte le nom significatif de Barrio de las Ranas. La population qui hante ces bouges est composée en grande partie de déchets de l'immigration italienne, toute une basse latinité, métissée d'Indiens, écume des ports de la Méditerranée. Eh bien, chère madame, ne vous en déplaise, les voilà bien les seuls salons de Buenos Aires où triomphe votre divin tango. Et vous reculez d'horreur en face de ces réalités répugnantes, devant ces compadritos huileux qui, aux accents de la triste milonga, dans la puanteur des égouts et des relents d'abattoirs, se convulsent ignoblement, un œillet rouge fiché derrière l'oreille, décochant de leur bouche canaille où charbonne un mégot, des jets de salive brune qui giclent par-dessus l'épaule de leur ninias pâmée collée à eux. Mélodie Auru qui nous lisait un article de Sem, Georges Sem, caricaturiste, un peu acide là, hein, c'est clair, en 1912 à propos du tango. Sophie Jacotot, alors nous avons évoqué la condamnation médicale, la condamnation morale, la condamnation religieuse. Là nous avons aussi une condamnation sociale, hein. Le tango vient des bas-fonds. Vraiment ça fait beaucoup, le cocktail est détonnant pour condamner ces danses et notamment le tango. Tout à fait. Il y a vraiment une conjonction des forces conservatrices pour faire face à l'arrivée de ces nouvelles danses. Hein. On le retrouve à propos des différentes danses de couple qui vont être introduites dans les répertoires en France et en Europe, plus généralement au 19e et au 20e siècle, en sachant que ces danses sont scandaleuses au départ, mais vont très vite s'assimiler, on le verra. Ici, on voit effectivement dans l'article de Sem, les possédés, qu'il y a une condamnation qui est qui est teintée d'humour, hein, et de beaucoup d'ironie dans la bouche de Sem, mais qui néanmoins fait appel à des arguments, oui, à la fois nationalistes et sociaux. Sem révèle en quelque sorte l'origine véritable, on peut dire, du tango, c'est-à-dire une origine populaire, une origine des faubourgs des grandes villes que sont Buenos Aires et Montevideo. Une origine liée à cette histoire des migrations intérieures et de l'immigration qui caractérise donc ces capitales d'Amérique du Sud et puis à la question du fait que cette danse, le tango, est encore complètement réprouvé dans la bonne société argentine. Et ce qui est flagrant ici, c'est que c'est par la bonne société, dans les salons mondains de Paris, que cette danse va connaître un succès qui va se répercuter dans les pays d'origine, donc l'Uruguay et l'Argentine. Ce que vous nous dites pour le tango est aussi valable pour la valse. Il y a ce paradoxe sans nom. Elisabeth Claire, la valse condamnée, parce que condamnable, c'est une danse scandaleuse. Et puis, il y a la réalité de l'acceptation, du succès, tout simplement. Vous nous avez dit que, déjà au début du 19e siècle, Napoléon accueille la valse. Donc, il y a ces deux mouvements, en fait, qui vont dans le même sens, ou qui sont parallèles, de dire, la danse se fait scandale, mais il y a une réalité, c'est que c'est un énorme succès. Et la danse est acceptée par la bonne société, peu à peu. Oui. Et c'est vrai que les maîtres de danse se rendent compte assez rapidement l'importance, en fait, de créer des systèmes, de faire en sorte que cette danse devienne une danse polie. Et donc, on a, par exemple, le traité de Thomas Wilson, c'est en anglais, qui réintroduit des 5 positions des pas de ballet pour aussi augmenter des spécificités de la position du couple dans un cercle avec d'autres couples, donc de régler cette danse, de le rendre polie et mesurée. Une danse polie et mesurée, une danse, et comme toutes les danses, pour laquelle il faut respecter les pas. 2, 3, 4, 2, 3, 4, assouplis-toi, rentre-moi ça. 2, 3, 4, tombe les épaules. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Allez, encore, concentre-toi. Courage. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. N'aplatis pas les talons, reste sur la pointe des pieds, c'est tout. Ici, c'est moi le prof. Les mouvements, ça suffit pas. Sans la musique. Et nous sentons la musique dans le cours de l'histoire avec Dirty Dancing, Sophie Jacotot. C'est vrai que pour le tango, il y a ce même paradoxe hein, où tout un discours condamne la danse comme étant scandaleuse, avec d'ailleurs une pluralité de discours et puis cette réalité du succès. Mmh. Oui, tout à fait. Le tango donc, arrive à Paris à la veille de la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Grande Guerre, alors que les bals reprennent de leur essor et qu'une véritable dansomanie, comme on l'a appelé à l'époque, souffle sur les bals en France et ailleurs en Europe. Le tango devient une espèce de pratique de masse hein, aux côtés du jazz et notamment du foxtrot. Et donc cette danse finit par se répandre non seulement dans tous les milieux sociaux, mais aussi sur tout le territoire, y compris en milieu rural au cours des années 20 et des années 30. Et on peut dire que 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, le tango n'apparaît plus du tout comme une danse sulfureuse, mais au contraire comme une danse des anciens, comme une danse un peu rétro, un peu ringarde. Et c'est un peu le sort de toutes ces danses. Hein, chacun reste fidèle aux danses qu'il a dansées ou qu'elle a dansées dans sa jeunesse. Pour les nouvelles générations, ces danses-là, 20 ans plus tard, apparaissent comme vraiment ringardes. Donc voilà, c'est le sort du tango aussi. C'est le sort du tango aussi. Très pertinent hein, de souligner l'effet générationnel pour le succès ou la condamnation de ces danses. La valse, le tango, ce sera à peu près la même chose d'ailleurs avec le rock'n'roll au XXe siècle. Et bien justement, c'est l'occasion de mélanger du rock et du tango. Un duo absolument sensationnel et peu probable, Dalida, Johnny Hallyday. Alors ça, c'est un peu fort. mais je vous ai rencontré quelque part. Vous avez tort, vraiment je n'y vais jamais. Mais vous alors j'en suis sûr. Ah oui? Vraiment vous me rappelez. Tiens, tiens. Un chanteur. Non, je vous jure. Je crois que vous vous trompez. En pensant à tout cela, si l'on faisait quelque part. Attention, ça va chauffer si l'on se met à danser. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Oh oui, moi j'aime ça. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Tango. Vous êtes vraiment doué. Vous devriez essayer de chanter. Vous plaisantez. Non, je n'oserai jamais. Par contre, j'en suis sûr. Ah oui, quoi? Une idole vous deviendrez. Essayez. Non, je vous jure. Non, ça ne marcherait jamais. En pensant à tout cela, si l'on faisait quelque part. Attention, ça va chauffer si l'on se met à danser. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Oh oui, moi j'aime ça. Le rock'n'roll, le rock'n'roll, le rock'n'roll. Go! C'était le rock'n'roll tango d'Alida, Johnny Hallyday, dans un show télévisé français en 1969, le Show Smet Collection. Oui, ça avait donné des titres à leurs émissions en 1969. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaïa Dabesh avec aujourd'hui à la technique Clara Galivelle, le cours de l'histoire qui s'intéresse à la valse, au tango, à toutes ces danses qui font scandale. Sophie Jacotto, justement, dans toutes ces danses qui font scandale, il y a un élément à prendre en compte qui est la géographie. Il y a toujours un ailleurs. Le tango nous conduit en Amérique du Sud, la valse nous conduit en Allemagne, et puis il y a tout ce jeu avec, bah là nous évoquions le rock'n'roll qui nous conduit aux États-Unis. L'ailleurs est essentiel dans l'imaginaire de ces danses. Oui, en tout cas, c'est vrai pour l'époque contemporaine. On peut dire que la majorité des danses qui obtiennent du succès en France viennent d'ailleurs. Pour le XXe siècle, elles viennent d'outre-Atlantique, elles viennent du continent américain en très très grande majorité. Les quelques exceptions à la règle seraient le Paso Doble espagnol et la Java, seule invention française et même parisienne, hein, on peut dire. Mais sinon, depuis le début du XXe siècle, avec donc le tango, le jazz, la rumba, la biguine, le rock'n'roll, le cha-cha-cha, et on peut continuer jusqu'à aujourd'hui, il y a clairement un mouvement qui vient d'outre-Atlantique, des Amériques, vers l'Europe, en sachant que ces danses des Amériques sont elles-mêmes le produit de circulation, de métissage, entre des apports européens, des apports africains, des apports indigènes, et donc voilà, elles sont le fruit de ce creuset historique lié à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, des indépendances, etc. L'histoire de la danse n'est pas l'histoire simplement d'un art vivant. Nous sentons bien que c'est une histoire beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, avec un phénomène mais qui est marqué vraiment au 19e siècle, 20e siècle, comme une évidence aujourd'hui encore, la vedette, le vedettariat. Alors déjà, pour la valse, c'est existant, et quelques notes de musique nous conduisent évidemment sur le beau Danube bleu. Nous avons Strauss, Elisabeth Claire, Strauss est un nom, est une véritable vedette du 19e siècle avec ses valses. Oui, enfin, il a fait une grande tournée. Et c'est avec son violon diabolique qu'il a aidé en fait à disperser cette danse et la pratique du bal avec la valse un peu partout. Il a même fait une saut à Boston aux États-Unis. Et selon les sources, il paraît qu'il y avait plusieurs orchestres dirigés en même temps dans un espace extérieur fait juste pour cela. Strauss est un nom, alors c'est même une dynastie hein, des Strauss, mais quand il est question aussi d'évoquer le vedettariat à propos du tango, eh bien tout de suite nous partons en Argentine en passant par Toulouse, c'est ça qui est formidable, à la rencontre de Carlos Gardel. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Petit chemin que le temps a effacé. Tu nous as vu passer tous les deux enlacés, chante Carlos Gardel. L'homme vient confier sa peine au petit chemin disparu comme la femme aimée. Ce tango fut si célèbre qu'on a élevé une plaque à sa mémoire. Statue de marin, art dans la rue, tourisme de masse. Caminito, c'est un peu maintenant la rue de l'Ape, la place du Tertre ou le Trastevere. Mais le charme demeure. Le tango est né à La Boca et dans d'autres quartiers. Il a la mauvaise réputation d'avoir connu le jour dans ces prostibules où les immigrants venaient oublier leur solitude auprès des filles. La lettre, les paroles du tango sont amères et toujours, toujours le temps qui passe. Sola, fané, descangallada, la vieja madrugada salir de un cabaret. Je la vois vieille et décatie quand je pense que pour elle, j'ai quitté ma femme et mes amis. Ah, Carlos Gardel, Adios Muchachos, Compañeros de mi vida, le quartier du tango à Buenos Aires, présenté à la radio en 1973. Sophie Jacotto, il faut rappeler combien Carlos Gardel, lui aussi, a été une véritable vedette. Oui, tout à fait. Gardel, qui est à l'origine du genre du tango canción, de la tango chanson, hein, puisqu'au départ c'était principalement des tangos instrumentaux qui étaient joués, et Gardel vient rajouter le texte et dans son sillage de nombreux poètes du tango vont écrire ces textes magnifiques et qui seront interprétés par différentes chanteuses et chanteurs. Gardel a vraiment fait partie d'un processus de vedettariat, de starisation, comme on pourrait dire, porté par l'industrie discographique qui est en plein essor hein, dans l'entre-deux-guerres dès les années 20 et a fortiori dans les années 30 où le disque, qui au départ est un produit très élitiste, se démocratise peu à peu avec la diffusion des appareils, donc les pick-up, les phonographes hein, qui permettent la diffusion du disque. Gardel est partie prenante de ce projet discographique et aussi cinématographique, hein, puisqu'il va être présent à l'affiche de nombreux films musicaux. Et il participe donc de ces industries culturelles naissantes et en plein essor qui diffusent mondialement ces nouveaux genres que sont les danses de bal. Et rappelons aussi hein, que la voix de Carlos Gardel, en tout cas les enregistrements de sa voix, sont inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, ce qui est très très lourd de sens en effet, de bien souligner que cette histoire est aussi une histoire matérielle, une histoire des techniques. Sophie Jacotto, dans ce regard que nous portons sur ces danses qui font scandale, il y a, nous l'avons souligné, ce contraste entre le succès et puis la chronologie de la danse qui est un moment scandaleuse et puis qui devient acceptée. Et puis ces discours qui perdurent. Est-ce que, avec les études que vous pouvez faire sur ces différentes danses, est-ce que vous pouvez mettre en place une grille à peu près systématique de dire quand elle apparaît, la danse se fait scandale, peu à peu elle se développe, elle est réinterprétée puis admise? Oui, enfin, il y a quand même des différences d'une danse à l'autre. Hein. Je pense par exemple à la Begin, qui est introduite, enfin, qui est dansée par les communautés antillaises, guadeloupéennes, martiniquaises, présentes à Paris dès les années 20, et qui tout d'un coup devient un phénomène de mode qui se cristallise au moment de l'exposition coloniale de 1931. Il faut rappeler que ces territoires sont des territoires coloniaux à cette époque. Et à la fois, ça devient un phénomène médiatique très fort, ça accompagne d'une production de disques, et en même temps, il y a un phénomène de rejet immédiat de la part de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie, de ce qu'on appelle les salons mondains, alors que la Begin va être dansée dans des dancings, donc les dancings qui sont les lieux, qui sont les bals en fait, hein, les bals à Paris dans l'entre-deux-guerres, les bals où on danse ces nouvelles danses des Amériques. Donc alors que la Begin est introduite notamment dans les dancings de Montparnasse, au contraire, elle va être rejetée. Je pense du fait de son origine non seulement afro-américaine, mais provenant d'un territoire colonial français, rejeté par les élites de la grande bourgeoisie. Donc ça, c'est un cas un peu particulier qui fait que la Begin ne va pas vraiment être assimilée comme va l'être le tango, par exemple, qui lui est donc d'abord très très vilipendé, très très critiqué, mais qui néanmoins, qui va profiter de son aura sulfureuse pour se médiatiser très vite par le biais aussi, ce dont a parlé Elisabeth tout à l'heure, de l'intervention des professeurs de danse qui vont essayer de rendre la danse plus acceptable. Donc voilà, donc il y a plusieurs niveaux d'intervention. Donc chaque danse a son histoire propre, mais il est vrai que globalement, on assiste au cours du XXe siècle à ce phénomène qui est que les danses sont d'abord perçues comme scandaleuses et puis ensuite s'intègrent. Alors le tango a une histoire particulière puisque après avoir été ringardisé, rétroisé pendant les années 50, 60, 70, il va revenir sur le devant de la scène avec une aura peut-être moins sulfureuse mais à nouveau très attirante, attractive, avec un renouveau de cette pratique, une danse, donc ce qu'on appelle maintenant le tango argentin, en insistant sur cette origine argentine, qui efface donc toute une partie de l'histoire de cette danse. Mais et donc cette danse est de nouveau à la mode depuis les années 90, on pourrait dire, et ça ne fait que croître jusqu'à aujourd'hui. Oui, une chronologie de l'histoire des danses, et c'est vrai qu'une danse reflète une société. C'est très intéressant d'ailleurs de voir toutes ces évolutions avec ces décalages. Par exemple, les discours que nous avons évoqués, qui condamnaient la valse, qui condamnaient certaines danses de couple, eh bien ces discours perdurent longtemps jusqu'au XXe siècle. C'est quoi cette frénésie pour le plaisir? Ils font des virées jusqu'à l'aurore avec des gens infréquentables qui viennent en voiture de villages éloignés pour errer. La tentation du péché est démultipliée à un point défiant l'imagination. Mais ce n'est pas encore la chose la plus diabolique en ce lieu de débauche. Ce sont des athées. Tous, ils renient l'existence du Seigneur, la Trinité. Qu'y a-t-il de mal à rester fidèle à nous-mêmes, à nos propres origines ? Dans le film Jimmy's Hall de Ken Loach en 2014, nous nous trouvions en Irlande au XXe siècle, dans les années 1920, et justement un prêtre condamne un dancing ouvert. Alors, pourtant, c'est bon enfant hein, quand on regarde tout cela aujourd'hui. Elisabeth Claire, vraiment, dans votre étude sur la valse, vous montrez combien c'est une danse jugée dangereuse, condamnée. Mais les questions vont même très loin, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'interdire la danse. C'est toujours cette peur de perversion de la jeunesse et notamment la jeunesse féminine. Il y a dans notre lecture de ces danses scandaleuses deux choses qui m'ont étonné. C'est le ailleurs, ça vient d'ailleurs, méfions-nous, parfois c'est un peu africain, c'est très dangereux. Et puis ça va pervertir les femmes. C'est une histoire de genre. Merci pour ce point. Je pense qu'il est possible de juste constater que le corps de la femme est souvent une manière de prendre la mesure de la dégénération culturelle. Enfin, quand on regarde l'histoire aussi de la lecture des romans, on voit aussi que les femmes sont considérées par les médecins d'avoir des fibres plus susceptibles à l'influence de ce plaisir intime privé. Mais je pense que la question du plaisir, enfin, on l'a évoqué dans cette dernière citation de film, le frénésie de plaisir. Je pense que le plaisir joue un rôle assez ambivalent parce que je donne par exemple le moment où en 1800, en février 1800, après la terreur et les événements de violence où on avait dû fermer les bals masqués parce que bon, dans des costumes, on peut cacher de quoi créer des situations d'émeute. Mais en février 1800, on va réouvrir, le ministère de la police à Paris va autoriser le Théâtre des Arts à Paris de réouvrir les bals masqués. Et dans les journaux, on voit clairement cette notion que le plaisir collectif que ça représente est une preuve, en fait, de la stabilité de la vie civique, la vie civile, et ce joie étant collective et positive. Le problème que pose la valse, et notamment dans cette période, la question de la femme qui valse, c'est que le plaisir chez elle peut la conduire vers ces jouissances messagères que j'avais citées tout à l'heure, et par le biais de son imagination qui est plus susceptible, il y a des suites, ce qu'on appelle les suites très fâcheuses, qui résultent du contact excitant magnétique de la valse. Donc on avait cité le vertige, mais il y a aussi plein d'autres problèmes. Et je pense vraiment que c'est cette question de plaisir à prendre en compte, et une fois liée à la question du corps de la femme, on rentre tout de suite dans un débat sur la place de la femme dans la bonne société et son rôle en tant que mère ou mère potentielle. Sophie Jacotot, vous arrivez aux mêmes conclusions en fait avec le tango et d'autres danses, ces danses de couple. Le corps de la femme est au centre du discours, le plaisir même de la femme, la place de la femme dans la société. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la question du plaisir est centrale dans le bal, liée au rapprochement des corps, ou à la question du toucher qui nous fait tellement défaut en ce moment, au collectif qu'est le bal, à la présence de la musique, enfin toutes ces choses qui procurent du plaisir et qui font que le bal est considéré comme un loisir particulièrement immoral pour les critiques, car c'est le lieu où la jouissance finalement est la plus grande, et c'est ce qui explique que pendant la Seconde Guerre mondiale, les bals et la danse de bal va être interdite sur le territoire français. Ça fait l'objet d'une exposition qui aurait dû être inaugurée là en avril et qu'il sera, j'espère, bientôt au musée de la Résistance et de la Déportation en Isère à Grenoble. Vous n'irez plus danser donc sur les bals clandestins entre 1939 et 45, puisque même si les bals sont interdits, cela n'a pas empêché les Françaises et les Français de danser, comme on peut le découvrir dans cette exposition. Et comme c'est peut-être le cas aujourd'hui aussi, malgré l'interdiction des bals. Oui, un petit air de liberté hein, qui souffle au moment où il est question de danser. Sophie Jacotot, effectivement, le moment de la danse et le lieu même où l'on danse, alors qu'il s'agisse de music hall ou de café-concert, de caf-conce, eh bien, il y a dans cet air de liberté quelque chose qui peut faire peur, qui peut faire scandale. La question de l'homosexualité aussi se pose autour de la danse, la proximité et puis la liberté. Oui, vous citez le music hall, le caf-conce. Pour revenir à ce que je disais sur les interdictions pendant la guerre, ces loisirs ne sont pas interdits. C'est vraiment le bal qui est interdit et non pas les spectacles de danse et non pas les spectacles de music hall. Donc on voit que le fait de se rassembler, donc ce ne sont pas des professionnels qui dansent, mais vraiment tout le monde, de se rassembler, il y a quelque chose qu'on pourrait dire sulfureux en soi, en tout cas qui vient poser problème dans le cadre dans un contexte autoritaire, en tout cas comme celui de la Seconde Guerre mondiale, mais plus globalement, il y a une forme de liberté qui s'exprime là et qui est assez unique. Et effectivement, le rapprochement des corps peut être celui d'hommes et de femmes, mais aussi d'hommes entre eux ou de femmes entre elles, comme on le voit dans l'entre-deux-guerres, puisque des bals homosexuels existent à Paris, et même s'ils sont contrôlés par la police, il y a quand même une certaine liberté qui est possible en France, en tout cas, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, évidemment, dans les années 30 ou dans d'autres pays européens. Donc le bal, effectivement, peut être le lieu de toutes ces libertés-là. Elisabeth Claire, pour terminer cette émission, pourrait-on dire que la condamnation ou le succès, et le succès de toutes ces danses, en fait, tient à ces mots, c'est le plaisir et la liberté. Plaisir et liberté, donc il faut condamner, plaisir et liberté, donc succès. Je pense que le succès de la danse vient de la même chose qui pose problème, c'est ce plaisir, cette jouissance, et aussi on parle vraiment le moment du bal, c'est vraiment un moment qui privilégie les adolescents et des jeunes. Donc je pense que Sophie Jacotot a parlé aussi un peu de ça, mais il y a une question de génération et aussi de changement de valeurs culturelles dans des sociétés. Changement de valeur, changement de génération, changement de danse. Et oui, aujourd'hui, nous avons valsé, nous avons tangué grâce à vous, Elisabeth Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, Sophie Jacotot. Je donne le titre de cet ouvrage superbe, Danser à Paris, dans l'entre-deux-guerres, lieu pratique et imaginaire des danses de société des Amériques, 1919-1939. Paris comme pôle de l'entre-deux-guerres pour la danse, pôle de diffusion. Et c'était un plaisir de valser avec vous deux. Et pour le moment, nous retrouvons Anaïs Kien, avec qui nous allons tanguer aussi, puisqu'il est l'heure du journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, dans le journal de l'histoire, les anciens combattants de Verdun contre la démocratie. C'est un débat qui a pris corps sur le site de la revue AOC. Quatre économistes y publiaient en février la version ramassée des résultats d'une recherche sur ce qui a déterminé l'engagement de certains Français dans la collaboration sous l'occupation. En croisant les archives militaires et une liste de collaborateurs établis à la Libération, l'étude statistique de Julia Cagé, Anna Dagoret, Pauline Grosjean et Somitra Dja affirme que les combattants de la Première Guerre mondiale ayant servi sous les ordres de Pétain à Verdun avaient significativement plus de chances de collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale, passant de héros à traîtres à la démocratie. La réaction d'un autre collectif, cette fois-ci d'historiennes et d'historiens, paraissait deux semaines plus tard, critiquant la fausse route de l'analyse des économistes. Anne-Sophie Anglaret, Tal Brutmann, Sarah Gainsburger, André Loez et Antoine Pro y regrettent un appauvrissement du questionnement sur les comportements individuels et une certaine crédulité face aux archives, une négligence des méthodes historiques qui conduit à des résultats à l'emporte-pièce sur la responsabilité des survivants des tranchées dans la perte d'emprise des valeurs démocratiques au sein de la société française à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Cette liste des collaborateurs utilisée par les économistes occupe une place centrale dans cette critique. On ne sait pas grand-chose des méthodes mobilisées pour l'élaborer. Le colonel Payol, membre des services secrets de la France libre jusqu'en novembre 1944, y remarquait le peu de place faite à la collaboration économique, qualifiant cette liste faite de briques et de brocs, avec une restitution douteuse dans sa forme, comme si elle avait été à plusieurs reprises retouchée, expurgée possiblement ou allongée. Fin de citation. Une liste donc visiblement peu fiable et incomplète, et qui laisse peu de place à l'enthousiasme des économistes qui ont pourtant bâti leur démonstration sur les informations qu'elle leur donnait. Les économistes ont répondu aux historiens qui ont à leur tour rédigé une deuxième réponse en précisant leur critique. Une controverse est née en 4 épisodes à ce jour par presse interposée, moins pour sauver l'honneur des soldats que la rigueur de la discipline historique. Les catégories de héros et de vilains mobilisées pour distinguer les comportements des anciens combattants de la première des guerres mondiales sont elles aussi malmenées par les historiens. Définir la collaboration remplie des bibliothèques, faire le tri entre les comportements de survie et l'adhésion idéologique au péténisme ou au nazisme reste central dans le travail de compréhension historique des comportements sous l'occupation allemande, des nuances cruciales pour définir une trajectoire politique individuelle ou collective. Quelle influence ont les guerres sur la vie politique d'après, plus exactement comment les anciens combattants agissent sur les sociétés d'après-guerre ? Difficile d'imaginer que l'expérience du passage des seuils d'une violence inacceptable en temps de paix disparaisse sans laisser de traces dans la vie civile. Mais la fascisation n'est pas l'issue incontournable de ces destins ayant croisé l'expérience du feu sur leur trajectoire. Pour le comprendre, on ne peut faire l'économie de l'histoire. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, une histoire de la danse, dansée antique, dansée en toge, branle, passe-pied, bourrée, histoire de la danse traditionnelle, aujourd'hui tanguée, valsée, quand les danses de salon font scandale, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, danser seul de l'opéra au Macumba. Oui, dans le cours de l'histoire, nous dansons avec Marion Dupont, Anne Toscane Vudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Mayouen Guizhou. Allez, demain, tout le monde sur le dance floor.